au lieu de combattre le véritable évasion fiscale, au lieu de combattre les gros, au lieu de combattre ce qui fait mal au Québec, on est après petit. Un tel n'a pas payé son CIP, puis un tel n'a pas payé. Même chose avec Hydro-Québec, là, d'ailleurs. Et c'est le cas des employés du groupe Resto Plaisir. C'est un gros groupe, surtout dans la région de Québec. Pour les gens qui connaissent pas le groupe Resto Plaisir, c'est 450 employés. C'est pas très compliqué. Et là, il y a des petits inspecteurs de Revenu Québec qui sont allés fouiller là-dedans. Là, il me semble que les types, ils n'ont pas déclaré le type, là, en 2010-2012. Il me semble que nos boss, ils nous donneraient une tape dans le dos si on aurait écœuré les restaurateurs avec les types. Les travailleurs à pourboire. Pouvez-vous les laisser tranquilles? C'est du 7 piastres à quelques dollars, 8 piastres de l'heure à pourboire? Car c'est du monde ordinaire, ouais, qui travaille fort, qui mérite leur salaire. Puis là, sont allés écœurer ces employés-là pour avoir une rétribution sur 3,5 millions en pourboire. Ça fait partie du salaire de ces personnes-là. Je sais qu'ils doivent payer de l'impôt, mais là, sont dans une campagne d'écœurement de ces employés-là. Et il y a quelqu'un qui dénonce ça. C'est le représentant, c'est le vice-président aux affaires publiques de l'Association des restaurateurs du Québec, M. François Meunier. M. Meunier, bienvenue dans Montréal Live. Bonjour. On veut que les écœurer, pas à peu près, restaurateurs. Hein? Ben, disons qu'on trouve qu'on est pas mal sur notre dos. Je pense que de dire que tous les revenus doivent être déclarés à l'impôt, là, c'est correct. Là. Le fait que les pourboires soient soumis à une règle là, qui est la politique fiscale sur les pourboires qui est en vigueur depuis le 1er janvier, c'est correct aussi. Mais il faut pas non plus que Revenu Québec soit en campagne d'intervention agressive contre notre secteur. C'est la perception que vous avez? Ben non. En fait, on peut se poser la question. Il est clair que, évidemment, l'événement dont vous avez relaté, résumé un peu la situation. C'est très spectaculaire, là, considérant le nombre d'employés. Sachez par contre que des interventions du ministère du Revenu touchant la sous-déclaration des pourboires, ça se passe tout le temps. Nous, on entend des témoignages à ce niveau-là régulièrement. Mais il faut pas non plus que ça soit signe que le ministère du Revenu revienne encore à la charge sur ce dossier-là et fasse systématiquement une chasse aux sorcières là, en ce qui concerne les revenus de pourboire des employés, parce que ça crée une onde de choc importante, non seulement pour les travailleurs visés, mais aussi pour les employeurs, pour l'ensemble de l'industrie. Là. Alors, on souhaite évidemment que ça soit pas le cas, et on souhaite évidemment aussi que ça soit fait dans le respect, parce que c'est complexe, la gestion des pourboires, c'est complexe, la législation, et à un moment donné, c'est clair que, oui, on doit ramener un peu tout le monde à l'ordre, mais il est clair aussi qu'on doit s'assurer d'éduquer, d'informer adéquatement les gens qui sont visés par les dispositions de la loi qu'on connaît. Ce qui est cochon dans ce dossier-là, comme dans d'autres dossiers, c'est qu'ils reviennent 4 ans en arrière. La personne, elle a dépensé son type, d'après moi, là. En 2010, ils reviennent en 2010. Tu sais, à un moment donné, il y a souvent même des employés qui sont même plus à l'emploi du groupe Resto Plaisir. Effectivement, il y a peu importe là l'employeur visé, quand il y a des avis de cotisation rétroactifs, il y a dans beaucoup de cas des employés qui ne sont plus à l'emploi de l'employeur, ce qui ajoute là à la complexité du dossier, puis à l'impact de celui-ci là sur la gestion de l'entreprise. Et c'est pas anodin quand je dis qu'on risque de tuer du monde, là, parce que de demander de payer rétroactivement des DAS, c'est pour une entreprise, c'est important. Les restaurants au Québec, là, je le rappelle, là, en moyenne, là, c'est un chiffre d'affaires à peu près de 600 000 $ par année. Il n'y a pas lieu là-dedans là, de penser qu'il y a énormément de coussins pour pouvoir redonner au ministère du Revenu là, ce qu'il considère être son dû. Là. Est-ce qu'ils sont flexibles dans les arrangements ou ils se comportent comme des pègreux? Ben, est-ce qu'ils sont négociables? Je pense qu'effectivement, il y a toujours une étape de négociation où on en arrive finalement à un montant qui est davantage plus près de la réalité. Mais il est clair que il en demeure pour moi que celui qui a le gros bout du bâton, là, c'est davantage le gouvernement. Et c'est pas tout le monde qui est en mesure de se défendre avec des gros fiscalistes parce que là aussi, il y a des coûts, puis il y a des ressources qu'on doit accorder à tout ça, mais je veux pas envoyer un message que les gens doivent pas se responsabiliser. Non, vous n'avez jamais dit ça, sauf que... doivent pas comprendre dans quel contexte ils œuvrent, puis il y a des lois, il y a des règlements, mais quelque part, quand on parle de rétroactivité sur la question des pourboires, il faut aussi qu'on fasse ça adéquatement et que ça devienne pas une nouvelle campagne là, de chasse aux sorcières contre les restaurants. Merci beaucoup, M. Meunier. Fort gentil. Bienvenue, M. Morin. Bon appétit. Au revoir. François Meunier, donc vice-président de l'Association donc des restaurateurs du Québec. Ça, c'est sans compter, évidemment, toutes les patentes de MEV qui ont dû installer dans les restaurants. Tout ça a coûté une beurrée. Je comprends qu'il y avait de l'aide financière et tout ça. Mais ça me tente pas de me lancer dans la restauration. Comprends-tu quelques nouvelles de même, ça me tente pas. Puis là, ils t'ont pas parlé de toute la paperasse habituelle. Le red tape. Tu sais qu'on dit, c'est ça. T'sais, le red tape, comment faire de la business au Québec? C'est lourd. Ça, c'est en voici un autre petit exemple. 11h16, vous êtes dans mon live.